failli faillir quand tu as souri. Le monde s'est écroulé autour de nous. J'ai passé la soirée à tout ramasser. J'ai failli défaillir.